yo Bibi. C'est Nicole, c'est Méni. On passe son string, baby. N-I-C-H-O-L-S. N-I-C-H-O-L-S. N-I-C-H-O-L-S. O-L-S. O-L-S. Oh, le jaloux parle de lui, 17 ans, Macoumé avec son corps string et l'ego kiff, elles sont excitées. Tes guillages se touchent quand elles écoutent ton son, glisser doigts sur sa mangue et crie, aïe que c'est du bon jus. Sans cachette quand leur mari ferme sur leur balcon, trempe leur bonhomme se caressant avec ton album. Mouille leur petite culotte à te donner la barre. Ensuite, dans la loge, elles veulent goûter à ton carambar.